Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guimauzo pour l'émission La parole est à vous. Alors, avec un dossier consommateur ce soir, puisque nous avons pris beaucoup de retard, mais il est vrai que l'actualité était riche et puis que nous avons donné la priorité donc à un magazine de la santé que vous avez pu écouter mardi dernier. Voilà, alors l'actualité consumériste est particulièrement riche, surtout à la veille de ces fêtes de Noël, Nouvel An. Et on va parler nourriture, bien entendu. Et Arnaud de Blove, rédacteur en chef de Que Choisir, je me permettrai de citer son édito, hein, qui s'intitule « Les yeux ouverts ». Le bio marginal hier a envahi notre quotidien. Et pour citer les propos d'Arnaud de Blove, au début, c'est une simple tendance portée par quelques consommateurs qu'une majorité regarde avec curiosité, voire dédain. Et puis, cette tendance se répand, s'ancre dans notre quotidien, au point de devenir une nouvelle manière de vivre. Ainsi va notre consommation, qui, ces dernières années, a connu nombre de mouvements de fond. Souvenez-vous du bio. Au départ, cela n'intéressait qu'une poignée de convaincus, de militants, soucieux de protéger l'environnement. Désormais, le bio est présent dans presque tous nos paniers. Sur la même lancée, nous sommes davantage préoccupés de la composition des produits, et pas seulement alimentaires, que nous achetons, de la manière dont ils sont fabriqués, origine, qualité des matières premières, présence d'additifs ou encore de substances chimiques. Nous sommes de plus en plus vigilants et inquiets. L'essor, le succès des applis, comme Quelconque cosmétique, lancée par l'UFC Que Choisir, l'illustre parfaitement. Bien sûr, industriels et distributeurs ont suivi ces mouvements et livré leurs réponses. Toujours juste et loyal ? Restons attentifs. Les solutions apportées ne sont pas toujours des solutions miracles. Les produits de beauté conventionnels sont encore trop souvent bourrés d'ingrédients toxiques. Aussi, de bonne volonté ont flairé le bon plan en nous vendant des composants présentés comme sains pour nous inciter à fabriquer nous-mêmes nos crèmes, shampoings, déodorants. Pourtant, comme le montre l'enquête et le test publié dans le numéro de Que Choisir de décembre, ce n'est pas si tranché, si certain. Vouloir consommer mieux, différemment, rien de plus légitime. Mais dans un monde qui nous échappe de par ses évolutions rapides et successives, gardons les yeux ouverts. Donc, j'ai cité Arnaud de Blove, rédacteur en chef de Que Choisir. Alors, que dire par rapport à cet édito, hein, que, ben oui, bien entendu, Que Choisir a toujours été à la pointe question de consommation. D'ailleurs, c'est la principale association de consommateurs de France et qui reste très indépendant par rapport au lobby, puisque sans publicité. Hein, et puis souvent, c'est vrai que Choisir a innové dans bien des domaines en démontrant aux consommateurs des produits qui n'étaient pas bons pour la santé. Et en particulier, bon, ce dossier qui était particulièrement explosif, je voulais dire, des cosmétiques. Voilà, alors, dans la droite ligne des choses, on va parler d'intoxication en chaîne et un pesticide interdit. Métham-sodium. À l'exception des fabricants de pesticides, des maraîchers, surtout les producteurs de mâches, et des horticulteurs qui l'utilisent, ce nom ne disait rien à personne. Et puis, les intoxications collectives et de travailleurs agricoles et de riverains qui se sont succédés en Maine-et-Loire, avant de toucher le Finistère, courant octobre, ont focalisé l'attention sur ce pesticide qui stérilisent les sols en tuant tout ce qui s'y trouve, sans aucun discernement. Cette succession d'alertes aux intoxications respiratoires a entraîné une réaction rapide des ministres concernés. L'arrêté du 25 octobre interdit l'usage de tous les pesticides à base de métasodium jusqu'au 31 janvier 2019. On se demande pourquoi le 31 janvier 2019. Ce pesticide est l'un des plus préoccupants pour la santé et l'environnement dans le plan national d'action sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides. Ce plan a été présenté au printemps. Irritant et très corrosif pour la peau, les yeux, les voies respiratoires, suspecté d'être toxique pour la reproduction, le métasodium est aussi très toxique pour les organismes aquatiques. Un profil particulièrement inquiétant. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, qui était en charge de sa réévaluation, a réagi aussi. Je cite, « L'ensemble des usages des produits concernant du métasodium représente un risque pour la santé et l'environnement », assure-t-elle. Dans un communiqué paru début novembre, elle annonçait leur interdiction définitive, une mesure qui prendra la suite de l'arrêté national de suspension. Voilà, il a fallu quand même pas mal de temps pour que cet insecticide soit effectivement interdit. Puis encore, là, ce n'est qu'une interdiction provisoire, puisqu'elle ne durera qu'en fait 15 mois. En espérant qu'il y ait une interdiction définitive qui soit prise et que l'Europe en particulier n'y fasse pas obstacle. Alors, on va reparler du levothyrox et il y a des expertises qui ont été ordonnées. Dans le feuilleton du levothyrox, la justice est entrée en scène. Le 4 novembre, le tribunal de grande instance de Toulouse a renvoyé l'évaluation du préjudice d'anxiété et du préjudice moral revendiqué par 42 patients à une expertise médicale. Trois experts seront désignés pour décider si la nouvelle formule du levothyrox, commercialisée depuis l'été 2017 par le laboratoire Merck, est à l'origine des effets indésirables rapportés. Ils devront dire si la nouvelle formule a aggravé des symptômes existants ou en a fait émerger d'autres, et si les victimes gardent des séquelles de la période où elles ont pris le médicament. Chaque plaignant réclame 30 000 euros de dédommagement. Le tribunal a aussi exigé que l'ancienne formule reste disponible pour les personnes en ayant besoin. Le laboratoire a déjà répondu que ce serait le cas et que cela serait valable tout 2019 pour les patients ayant une ordonnance. Voilà, comme le dit Que choisir, il s'agit d'une histoire à épisode. On peut quand même s'étonner que il faille autant de temps pour que cette affaire comparaisse devant un tribunal. En sachant bien qu'il faut toujours se méfier des expertises, des experts en France. D'ailleurs, cela avait été pointé par la commission, par la Cour européenne de justice, à savoir que les experts sont rarement indépendants. En France, et que souvent, malheureusement, ils sont intégrés à des groupes où ils ont déjà travaillé pour des groupes agroalimentaires, par exemple, ou bien pour d'autres officines pharmaceutiques, pourrait-on dire. Alors, on va parler d'assurance décès. Je ne fais pas le lien avec le levothyrox, ni avec le pesticide interdit, il s'agit d'une preuve de vie commune exigée. Alors méfiez-vous, récemment la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait rejeté la demande de versement d'un capital décès adressée par le concubin d'une personne disparue. Pour la juridiction suprême, les pièces justificatives fournies ne suffisaient pas à prouver une vie commune au jour du décès. Le concubin n'avait pu produire qu'une facture d'électricité, un bail locatif ou un avis d'imposition ou de non. Voilà. N'avait pu produire, pardon. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pu produire donc ces documents-là. Et donc, l'assurance décès ne peut véritablement fonctionner qu'à partir du moment où, le conjoint vit au même domicile que la personne décédée. Voilà. On reparle bien sûr, puisqu'on est dans la saison chauve, du monoxyde de carbone. Comment éviter les drames? S'il fonctionne mal, les dispositifs de chauffage et de production d'eau chaude à combustion, bien sûr, cheminées, chaudières à gaz, poêles à bois ou à charbon, peuvent dégager du monoxyde de carbone. Ce gaz prend la place de l'oxygène dans les poumons et peut entraîner des malaises, voire la mort. Pour éviter tout accident, il faut veiller à l'entretien des appareils de chauffage et à la bonne ventilation des logements. Aérer une fois par jour est une bonne habitude. Et brasero, ou barbecue doivent être utilisés qu'à l'extérieur, bien entendu. Bah oui, c'est vrai qu'à l'intérieur d'une pièce, même ventilée, c'est quand même assez risqué. Voilà, ben puisqu'on parlait du bio, on va continuer sur le bio. Quand il s'agit d'alimentation et de santé, il apparaîtrait que les adeptes du bio sont moins touchés par certains cancers. Les consommateurs réguliers d'aliments bio présentent un risque moindre de 25% de développer un cancer par rapport aux non-consommateurs ou aux consommateurs épisodiques. C'est selon une étude épidémiologique NutriNet Santé, publiée fin octobre dans la JAMA Internal Medicine. Le lien est particulièrement marqué pour les cancers du sein en post-ménopause. Moins 34% de risque et les lymphomes, moins 66%. Ces résultats s'appuient sur un échantillon de 68 946 personnes de la cohorte NutriNet Santé, suivie de 2009 à 2016. On a donc quand même un échantillon de population extrêmement important. Et bien entendu aussi une longue période qui a permis quand même une étude épidémiologique qui peut paraître tout à fait fiable. Les chercheurs avancent deux hypothèses. D'abord, les résidus de pesticides, nettement moindres dans les aliments bio, alors que les études suggérant un lien entre les pesticides et certains cancers s'accumulent. Ensuite, les teneurs potentiellement plus élevées dans les aliments bio en certains nutriments, comme les antioxydants, les polyphénols, les carotenoïdes, la vitamine C, ainsi que des profils d'acides gras plus bénéfiques. L'étude souligne toutefois que ces variations sont modestes et que leurs conséquences sur la santé restent à déterminer. Prudent face aux biais possibles, les auteurs rappellent qu'il faut confirmer ces résultats par d'autres études épidémiologiques avant de prendre des mesures de santé publique, car de multiples facteurs, hygiène de vie, antécédents familiaux, autres que l'alimentation, influent sur la survenue ou non d'un cancer. Voilà, sachant bien que l'échantillon quand même qui a été testé, on pourrait dire, est quand même assez important puisqu'il concerne près de 70 000 personnes. Voilà, mais c'est à confirmer. Alors, poursuivons sur l'alimentation. Il apparaîtrait que l'œuf en cage est minoritaire. Plus d'un œuf sur deux acheté en grande surface est désormais issu de poules élevées en élevage alternatif, c'est-à-dire sans cage. Selon l'interprofession de l'œuf, en 2017, 47% d'œufs provenaient de poules en cage, côte 3 sur la coquille, contre 4% des poules élevées au sol. Côte 2, 24% en plein air, code 1, 9% en label rouge, code 1, et 16% en bio, code 0. Cette part d'œufs alternatifs a doublé en 10 ans. Mais les professionnels rappellent le surcroît de la suppression des cages induit par l'accroissement des surfaces nécessaires. Selon eux, plus 20 à 40% pour le plein air et le label rouge, et plus 113% pour le bio. Sur les 15 milliards d'œufs produits chaque année en France, une moitié est achetée par les ménages, l'autre moitié étant essentiellement utilisée par la restauration et l'industrie agroalimentaire. Concernant ce débouché, les trois quarts des œufs et ovoproduits restent issus de poules en cage. Mais là aussi, la situation évolue, puisque la part des œufs alternatifs a doublé en 5 ans. Voilà, là au moins une évolution positive en ce qui concerne au moins les œufs, puis en général l'élevage des poules et des poulets. Mais enfin, on est loin d'avoir là en la matière la perfection. Hein. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a énormément de poules, de lapins qui sont toujours élevés en cage. Hein. Et on ne parle pas, bien sûr, des porcs dans un espace restreint. On pourrait multiplier les exemples. Alors, la politique sanitaire. Et oui, et ben, malgré tout ce qu'on pourrait penser, malgré les slogans qui sont souvent publiés, télévisés à grand renfort, eh bien, ces slogans sanitaires sont, paraît-il, inefficace. C'est ce que révèle Que Choisir. Mieux vaut agir directement auprès de l'industrie agroalimentaire. Alors, quels sont ces slogans? Ben, on les voit journellement, hein, même sur les dépliants publicitaires. Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ou pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Ces slogans rebattus, tout comme les livrets, la santé vient en mangeant, et autres prospectus, sont censés nous aider à équilibrer notre alimentation. Pour quel effet sur les comportements? Aucun, dit Que Choisir. C'est ce que révèle une étude de santé publique en France qui compare le respect des recommandations nutritionnelles en 2006 et 2015, lecture édifiante, quasiment tous les paramètres empirent. Nous mangeons en moyenne moins de fruits, de légumes et de glucides complexes, issus par exemple des céréales, mais davantage de graisses, d'acides gras saturés et de sucres simples, issus des produits sucrés et de sel. Des comportements favorisant l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Entre autres, mots de civilisation, j'allais dire. En 2017, un rapport du Haut Conseil de Santé Publique avait déjà constaté les limites de ces campagnes d'information, et encourager l'adoption d'une politique globale incluant des mesures réglementaires, fiscalité nutritionnelle, encadrement du marketing, etc. Une large diffusion de Nutri-Score pour passer des slogans imprécis au choix des produits les plus favorables à la santé est aussi encouragée. Voilà, bah c'est quand même un peu décevant hein, quand on sait un petit peu le coût réel de ces campagnes d'information vis-à-vis des consommateurs qui restent sans... Bah oui, parce que de toute façon, on est bien obligé d'acheter des produits, hein, des produits, puis malheureusement, c'est ceux qui les fabriquent quand même, qui les vendent, et qu'ils les vendent, qu'ils sont responsables, qu'il y a trop de sel, trop de sucre, etc. Hein, je crois qu'il y a eu un petit pas en avant qui a été fait en taxant en particulier des sodas, des boissons trop sucrées. Ne faut-il pas aller plus loin et puis réglementer davantage, effectivement, certains produits? Parce que finalement, le consommateur, eh ben, il va aller souvent au moins cher, hein, surtout que le pouvoir d'achat pour des grandes catégories de la population diminue, et donc c'est pas toujours facile de faire ses courses en regardant les étiquettes et puis en achetant des produits qui risquent souvent d'être plus chers, alors qu'ils devraient l'être moins, puisqu'ils comportent effectivement moins de sucre, moins de sel, moins de produits qui risquent en quantité de détériorer la santé. Voilà, donc il y a des mesures à prendre, mais ces mesures à prendre s'adressent bien sûr au trust agroalimentaire, au lobby et très peu aux consommateurs, puisqu'on s'aperçoit que les campagnes sont assez inefficaces. Voilà, et puis malheureusement, les produits ont été fabriqués justement pour nous habituer, et nous habituer à des goûts sucrés et salés, et malheureusement. Et là, c'est pas facile non plus de changer nos modes de consommation. Quant aux fruits et légumes, eh bien, on peut quand même se dire aussi que la qualité de ce qu'on trouve dans les étals des grandes surfaces laisse largement à désirer, question de maturité, et ça peut rebuter aussi pas mal le consommateur. Hein, en sachant aussi que on va se précipiter vers des fruits qui ne soient pas forcément de saison, des légumes ou des fruits qui ne soient pas forcément de saison, et qui sont importés, voyagent sur des milliers de kilomètres, au détriment bien sûr de notre environnement. Alors parlons, puisqu'on parle d'environnement, rénovation énergétique. Alors des travaux qui sont décevants selon que choisir. Là encore, vous avez pu être harcelé de coups de téléphone, si vous avez une ligne fixe, par des marchands, enfin des marchands de soupe pour l'isolation. Ah, donc que choisir, pointe des travaux décevants. Massifier la rénovation énergétique pour diviser la consommation d'énergie du parc immobilier, telle est la volonté des pouvoirs publics. Les ménages sont déjà nombreux à se lancer, d'après la récente étude de l'ANDEME, qui est bien sûr l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Sur l'efficacité des travaux de rénovation énergétique en maison individuelle, qu'en est-il ? De 2014 à 2016, plus de 5 millions de propriétaires en ont réalisé, soit 32% du parc d'habitat individuel. En revanche, les économies d'énergie sont minimes, précise l'étude. Seuls 25% ont fait gagner au moins une classe de DPE, le diagnostic de performance énergétique. Et à peine 5% ont produit un gain de 2 classes ou plus. Les consommateurs ont pourtant eu, en partie, de bons réflexes. À 65%, ils ont effectué un bouquet d'au moins 2 travaux d'isolation. Mais le niveau qui permet de diviser ces consommations d'énergie est rarement atteint. Un tiers des interventions en comble ou toiture est performant. Pour les fenêtres et les murs, on tombe à 17% seulement. La ventilation indispensable pour renouveler l'air et éviter les moisissures est souvent oubliée. 15% des ménages ont bénéficié d'informations et d'accompagnement. Ce qui explique sans doute le manque d'efficacité des travaux. Les professionnels restent incapables de bien conseiller leurs clients, ce que la dernière enquête de Que choisir avait démontré. Enquête donc qui était publiée dans le numéro, il faut quand même donner la référence, 553 de Que choisir. Ah ben voilà, on peut peut-être s'accorder une pause musicale avant de continuer ce dossier consomme. Auguste, on choisit pas de quel côté des rires on va. Moi j'ai pioché l'air imbécile qui caractérise le style. On m'a fait clown et puis voilà. Sourire crucifié sur la voie. avec les gueules qui font marrer. On souvent les jours mouillés. Pas les savates, ni les poids, mais il ne faut dire qu'on n'en change pas, que ce soit de face ou de profil, y'a ce putain de rouge qui l'habille. Je dois être le fils de la détresse, un soir de fête et de chansons, en gros c'est par la maladresse, sous une pluie de cotillons. Ça fait un truc presque charmant quand je me balade copain, clopant, sourire aux lèvres et larmes aux yeux, sans jamais trouver le milieu. Voilà, nous poursuivons ce dossier consommateur sur le 107 Radio Guémozo. Alors, des produits dangereux ont fait l'objet d'une belle prise. Près de 90 000 jouets et articles cosmétiques dangereux saisis. La douane continue de rapporter dans ses filets des produits qui ne devraient pas être commercialisés, avec probablement l'impression de mener un combat sans fin et la certitude d'en laisser passer beaucoup. Cette saisie, révélée fin octobre mais réalisée début août dans un entrepôt de Seine-Saint-Denis, a permis de mettre la main sur des articles posant de nombreux problèmes. Présence de phtalates, j'ai toujours du mal de le dire, de phtalates, non-conformité microbiologique, non-respect des règles d'hygiène, risque de brûlure. Une grande quantité de jouets saisis provenaient de Chine et une part importante d'entre eux était destinée à des enfants de moins de 36 mois. Voilà, quand même, bon, on peut dire quand même que les douanes font leur boulot avec, bien sûr, des effectifs plutôt en réduction, hein, de par la volonté du pouvoir public depuis de nombreuses années, enfin du gouvernement, de diminuer les effectifs de fonctionnaires. Alimentation, on poursuit dans l'alimentation, un cartel dans le jambon. En 2011 et 2013, une quinzaine d'industriels de la charcuterie Salaison auraient mis en place une entente sur les prix des jambons et d'autres produits de charcuterie. C'est ce qu'a révélé Le Monde mi-octobre. Ce cartel impliquerait Fleury Michon, les Salaisons Celtic, Financière Turenne Lafayette, ou encore Herta, qui vient du groupe Nestlé. Michon les Salaisons, Herta, Nestlé et Aost. Ils se seraient accordés, ces marques, sur les prix de vente aux distributeurs pour l'ensemble des produits de charcuterie, en particulier ceux sous marque distributeur MDD. et premier prix, mais aussi sur les tarifs d'achat aux abattoirs. Une double entente inédite pour faire monter les prix à la vente tout en les faisant simultanément baisser à l'achat. Les industriels se seraient également coordonnés afin de répondre aux appels d'offres de la grande distribution pour la fabrication de ces marques propres, c'est-à-dire ceux qui sont sous la marque du distributeur. Interrogé, l'autorité de la concurrence a répondu « Il y a en effet une enquête en cours dans le secteur porcin depuis 2016. Sa décision, l'haute autorité, sera rendue en 2019. C'est l'un des industriels impliqués qui aurait révélé les faits pour bénéficier de la procédure de clémence permettant de voir son amende allégée. » Voilà. Voilà quand même cette histoire du jambon. Comme quoi on croit que le concurrent joue, et bon, c'est peut-être pas souvent le cas dans certains domaines des marques qui veulent s'assurer des marges confortables sur les produits qu'ils vendent. Alors on va changer totalement de sujet, on va parler assurance dommage-ouvrage. L'histoire nous a donné raison, dit Que Choisir. Dès 2014, Que Choisir avait alerté. Une enquête sur l'assurance dommage-ouvrage, en principe souscrite par celui qui fait construire ou rénover un logement, mettait en garde contre les risques qu'il y avait à s'adresser à une compagnie étrangère. Je crois en avoir parlé dans un dossier consommateur à l'époque. Par le biais de la libre prestation de services, une loi européenne autorise un assureur à accorder une garantie dans n'importe quel pays de l'Union, sans représentation physique. Un courtier se chargeant en général de commercialiser le contrat. Les dommages-ouvrages étant souvent hors de prix, les assureurs agissant sous le statut de la LPS proposent des assurances 20 à 30% moins chères. Mais Que Choisir notait que s'adresser à ces compagnies implantées en Angleterre, au Danemark, au Liechtenstein ou encore à Gibraltar, c'était risqué de ne pas être indemnisé en cas de malfaçon. Mais réassurer, et faute de provisions suffisantes, ces structures ne pouvait pas faire face à une série de sinistres. Et Que Choisir appelait à se méfier de plusieurs d'entre elles, notamment Elite Insurance, immatriculée à Gibraltar, et Gaia, Danemark, des propos qui nous avaient valu d'être poursuivis en diffamation. La procédure avait tourné court. Heureusement, dit Que Choisir, car nos doutes étaient fondés, comme d'autres. Avec elle, les compagnies épinglées ont disparu. Ces défaillances laissent sur le carreau de nombreux particuliers ou entreprises qui, face à un sinistre, ne peuvent plus faire jouer l'assurance payée. Devant l'ampleur du problème, le Fonds de garantie des assurances obligatoires va intervenir en lieu et place des assureurs disparus. Mais cela ne concerne que les contrats dommages-ouvrages souscrits depuis juillet 2018. Les autres doivent actionner les assurances du constructeur, avec ce que cela suppose de lourdeur, délai, expertise, etc. À ce propos, j'ai eu l'occasion de connaître des litiges avec des experts, et quand on parle d'experts, je ne citerai pas de nom, même localement, il y a de gros problèmes pour faire reconnaître effectivement les malfaçons. Les experts n'étant pas très neutres dans beaucoup d'affaires, surtout s'ils sont implantés localement. Voilà, parce qu'ils sont à la fois souvent des experts qui sont aussi commandités par les constructeurs. Voilà, donc bien se méfier quand on souscrit une assurance, quand il s'agit de ce type d'assurance, du moins, de bien vérifier si si celle-ci offre véritablement des garanties et se méfier des assurances trop bon marché qui sévissent justement sur le marché et qui sont implantées à l'étranger sans aucune garantie de fiabilité quant à leur durée et quant à leur possibilité de couverture. Alors, on va reparler des obsolescences programmées. Ça devrait quand même se terminer. Et on s'aperçoit quand même que du côté de l'Italie, c'est quand même plus performant qu'en France. Hein. Pour nos auditeurs, ils peuvent aussi se référer à un dossier de Cache Investigation, qui a fait l'objet de reportages télévisés, en particulier. Ça mettait en cause quand même le peu de diligence du côté français pour justement sanctionner des produits de luxe, enfin des fabricants ou des vendeurs de produits de luxe qui pratiquent l'optimisation, on devrait dire plutôt l'évasion fiscale. Eh bien, Apple et Samsung, ils ont été condamnés en Italie. De quoi s'agit-il ? L'autorité de la concurrence italienne a récemment sanctionné Apple et Samsung pour des pratiques commerciales qu'elle juge malhonnêtes. En cause, l'insistance avec laquelle les deux fabricants ont poussé les consommateurs à installer des mises à jour du système d'exploitation, iOS ou Android, de leur smartphone, ainsi qu'elles dégradaient leur performance, ce que les deux géants ne pouvaient ignorer. En agissant ainsi, Apple et Samsung ont incité les utilisateurs à acheter des smartphones plus récents. À aucun moment, dans le processus de mise à jour, les clients n'avaient été prévenus des conséquences. L'autorité menait l'enquête depuis janvier 2018 sur la base de témoignages des propriétaires du Samsung Galaxy Note 4, qui avait installé Android Marshmallow, version conçue pour le Galaxy Note 7 et l'iPhone 6, invité à installer OS 10 prévu pour l'iPhone 7. Samsung a annoncé qu'il allait faire appel et Apple risque de limiter. L'entreprise dispose de 60 jours. À défaut d'être financièrement lourde, la sanction d'Apple et de Samsung conforte le consommateur dans son droit à acheter des biens durables et réparables. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes dans le monde. L'Italie est le premier pays à sanctionner les deux géants pour obsolescence programmée. En France, le parquet financier a ouvert une enquête contre Apple en janvier 2018. Pour obsolescence programmée et tromperie. Le fabricant a en effet reconnu qu'il altérait volontairement les performances de ses iPhones à batterie vieillissante. L'association HOP a également porté plainte contre Apple en décembre 2017. Il est probable que des sanctions pour obsolescence programmée tomberont. D'autant que si l'Italie s'est appuyée sur une infraction au code de la consommation, dont la portée est européenne, la France bénéficie en plus d'un levier juridique. L'obsolescence programmée est en effet considérée comme un délit depuis la loi sur la transition énergétique de 2015. Voilà, la loi sur la transition énergétique a quand même des effets positifs. Certains résultats, malheureusement, certaines dispositions n'ont pas été très bien accompagnées. Alors, je voudrais revenir à des problèmes de santé avec le dossier médical partagé. Mais avant cela, si on peut s'accorder une pause musicale, ce ne sera pas plus mal. Fais-moi risette, regret, c'est quand que tu l'abandonnes de notre défunte amourette. Dis-moi, c'est quand que tu me pardonnes, dis-moi, c'est quand que c'est prévu. Notre retour à la normale, faut-il que tu passes en revue toutes tes raisons d'avoir mal. Allez copain, fais-moi risette. Y'a rien de pire que ton mépris, c'est quand que tu appuies sur reset, que tu oublies mes conneries. Dis-moi c'est quand que tu me causes comme tu le faisais naguère. Te souviens-tu seulement des causes de ton impitoyable guerre. Allez copain, fais-moi risette. C'est quand que tu ne me hais plus. Quand aurais-je réglé mes dettes, dettes de cœur, dettes de cul. Si tu veux, traite-moi de salope. C'est pas ce que j'appelle un scoop, et tu l'aimais bien la salope quand tu la prenais par la troupe. Allez copain, fais-moi risette. Fais donc tourner le calumet. Allons nous exploser la tête comme nous le faisions avant. Mais quand on allait jusqu'à pas d'heure sans qu'il y ait des pichets de vin, et chanter à s'en tuer le cœur avec la bande des copains du temps de toutes nos nuits sans lune près du piano de l'ami Pierrot. Quand on se pour aller s'unir à l'absinthe. Allez copain, fais-moi risette. Le regret, c'est quand que tu l'abandonnes de notre défunte amourette. Dis-moi, c'est quand que tu me pardonnes jusqu'à ce qu'on s'envoie en l'air. J'aimais notre complicité, mais tu as tout foutu par terre en reniant ma liberté. Allez copain, fais-moi risette. Vrai, je te demande pardon, j'avais cru que dans ta braguette pouvait se cacher Cupidon. Tu vois, je suis toujours aussi conne. Avant, ça te faisait sourire, copain, jusqu'à ce que tu me pardonnes. Je vais m'appliquer à te faire souffrir. Eh bien, nous retrouvons ce dossier consommateur sur le 107 et on va parler d'un article que choisir qui s'intitule « EDF ne vous baladera plus ». Tous les usagers ayant un souci de facturation ou de compteur sont passés par là. On appelle EDF et on se fait balader de ses services à ceux de sa filiale Enedis, gestionnaire de réseau. Ce renvoi de balles aux dépens des consommateurs était jugé illégal par l'UFC Que Choisir. En matière d'énergie, le fournisseur, EDF, doit en effet proposer un contrat unique à l'usager et assumer vis-à-vis de lui à la fois ses propres responsabilités et celles d'Enedis, le gestionnaire de réseau. Pourtant, les conditions générales de vente d'EDF lui permettaient de s'en exonérer en renvoyant ses clients vers Enedis, qui, à son tour, se dédouanait de toute responsabilité en février 2013. L'UFC Que Choisir assignait donc EDF devant le tribunal de grande instance, le TGI de Paris, pour faire annuler ses clauses. Le jugement rendu le 30 octobre 2018 a déclaré abusif toutes les dispositions qui prévoient un partage de responsabilités entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau. Une belle victoire. L'usager ne pourra plus se faire balader de l'un à l'autre. Le TGI accorde un mois à EDF pour la mise en conformité de ses contrats et de ses offres, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour. Le communiqué judiciaire devra figurer sur la page d'accueil du site EDF et sur toutes ses applications par smartphone et tablette pendant 3 mois. Ce jugement est encore susceptible d'appel de la part d'EDF, mais on imagine mal l'entreprise persister dans l'illégalité. Bah oui, effectivement, quand on contracte, c'est avec une personne, une société, et pas avec plusieurs sociétés. Hein, dans ce phénomène entre Enedis et puis EDF, hein, qui forment une grande entité avec deux entités différentes, on pourrait dire. Et donc, se balader de l'un à l'autre, ben, malheureusement, ça arrive dans pas mal de grandes entreprises ou autres où on voit qu'il y a des sous-traitants, etc. Et c'est très difficile d'obtenir satisfaction. Là, c'est effectivement une belle victoire de l'Union fédérale des consommateurs. Voilà, que dire encore? Il y a un appel à témoignage, justice, médiation et conciliation. Récemment, demande que choisir, vous avez eu recours à la justice civile ou pénale, vous avez été engagé dans une procédure de médiation ou conciliation, bonne ou mauvaise, racontez-nous votre expérience. Vos dossiers nous serviront à alimenter une prochaine enquête apparaître dans Que choisir. Voilà, alors les témoignages sont adressés à Arnaud de Blove ou Pascal Barlet, 233 boulevard Voltaire, 75 555 Paris, CEDEX 11, ou par mail @quechoisir.org et farlet@quechoisir.org. Voilà, enfin, vous trouverez ça dans votre magazine Que choisir du mois de décembre, et puis vous trouverez ça aussi sur le site, bien sûr, de Que choisir. Voilà, que dire encore dans ce dossier consommateur? Eh bien, qu'Orange a été rappelé à l'ordre pour la qualité de son réseau cuivre. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, a formellement mis en demeure Orange de respecter ses obligations en termes de qualité de service, attributaire du service universel. L'opérateur doit en effet garantir un accès au téléphone fixe à tous les Français en respectant une douzaine d'indicateurs de qualité pour un tarif abordable. Comme l'ARCEP, l'UFC Que choisir a reçu des plaintes d'abonnés signalant divers désagréments et plusieurs élus locaux sont également lancés l'alerte. L'UFC Que choisir a, à plusieurs reprises, mis en garde contre une possible dégradation de la qualité du réseau cuivre ADSL, téléphonie fixe, pour inciter les consommateurs à la transhumance vers le très haut débit, fibre, câble. Or, il est clair que les consommateurs ne voulant pas ou ne pouvant pas aller vers la fibre ou le câble, notamment en zone rurale, sont en droit d'attendre une qualité optimale du réseau cuivre. La mise en demeure d'Orange par l'ARCEP, avec des objectifs calendaires de mise en conformité, est donc plus que bienvenue. Si cette injonction ne concerne que le réseau téléphonique, elle a de facto un impact sur tout ce qui est supporté par le cuivre, notamment l'Internet via l'ADSL. L'enjeu est donc important pour les consommateurs comme pour Orange, qui encourt en cas de non-respect de ses obligations une sanction pouvant atteindre 5% de son chiffre d'affaires. Alors, pour beaucoup, bien, ce problème paraîtra peu enclin à déclencher des foudres des consommateurs. Cependant, et c'est valable dans notre région de montagne, eh bien, il y a toujours par rapport à Internet, des zones blanches et des zones grises. Ben, à savoir que la téléphonie, ça marche très très mal. Le réseau marche très très mal dans certains endroits. Certains endroits ne sont pas accessibles à Internet. D'autres n'ont pas un accès total à Internet à certaines heures. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés, ça patine énormément. C'est mon cas d'ailleurs, je pourrais le dire. Et par contre, par exemple, lorsque Orange offre une prestation globale, c'est-à-dire télévision, etc., bon, il ne faut pas compter pouvoir avoir la télévision par Internet, par l'intermédiaire d'Orange. Hein, tout dépend où on est placé. Alors, j'ai personnellement réclamé, pour donner un exemple, hein, j'ai personnellement réclamé à Orange, qui aujourd'hui n'a plus de permanence sur Remiremont, n'a plus de bureau sur Remiremont. Il faut se déplacer à Carrefour-Épinal pour trouver des représentants de l'opérateur Orange. Hein, et puis, on m'a répondu tout simplement que Orange n'était plus un service public et qu'à partir de ce moment-là, je ne pouvais pas vivre au grand air, permettez l'expression, dans un endroit isolé, et puis avoir une réception optimale. Alors j'ai fait simplement remarquer quand même qu'il fallait quand même un minimum, que je devais avoir un minimum, et puis on m'a répondu, vous pouvez toujours installer une antenne, et ça fait 4000 euros. Voilà à peu près la réponse qu'on peut avoir lorsqu'on s'adresse au bureau de Orange. Hein, c'est vraiment déplorable. Je crois quand même que la campagne qui est lancée Que choisir à sa raison d'être, hein, parce que surtout dans notre région des Hauts-de-Vosges, on a quand même beaucoup d'endroits où la réception n'est pas optimale et loin s'en faut, quand elle n'est pas absolument nulle, comme c'est le cas par exemple dans certains endroits au-dessus de Vanier, pour citer qu'un exemple. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de problèmes. Alors on m'a dit également, hein, ce même agent de Orange, commercial d'Orange, m'a dit également que il fallait se retourner vers les élus locaux pour avoir une meilleure réception, et puis que le cuivre avait des limites, le réseau cuivre avait des limites, qu'on ne pouvait pas les dépasser et qu'il fallait absolument intervenir auprès des élus locaux pour la fibre. Cet article que choisir me fait dire quand même que la fibre, c'est pas tout, et puis ça ne peut pas être installé partout au même moment, et que Orange a quand même des devoirs par rapport à son réseau cuivre, qui devrait pouvoir quand même pallier aux carences actuelles que l'on constate dans les Hauts-de-Vosges. Voilà, que dire encore? Ah oui, puisqu'on est dans l'informatique, enfin, on est dans la communication, les données personnelles. Eh bien, il y a un jeu pour garder la main. Il y a quelques mois, le règlement général sur la protection des données personnelles est entré en vigueur. Mais la protection de ces données reste un sujet de préoccupation majeure pour les consommateurs face aux nombreuses dérives rencontrées. Fuite de données, phishing, hameçonnage, rançongiciel, etc. Alors ça, c'est des termes qu'on retrouve maintenant chez les spécialistes. On se demande toujours ce qu'il recouvre réellement. La raison pour laquelle l'UFC Que Choisir a décidé de rappeler les règles du jeu en lançant un serious game, jeu sérieux sur le thème des données personnelles intitulé « J'accepte » et accessible sur le site de l'association. Ce jeu se veut très intuitif et s'adresse à tout public, financé par les dons des consommateurs versés au fonds de dotation de l'UFC Que Choisir. Cette initiative est la première du genre pour l'association. Elle permet de découvrir redécouvrir de manière ludique les bons réflexes pour garder la main sur ces données en accompagnant Sarah et Julien dans les préparatifs épiques de leur mariage. Nul besoin d'être un expert des jeux vidéo ou de l'informatique pour participer. Relevez-vous le défi pour aider Sarah et Julien. Si oui, dites j'accepte et rendez-vous sur https://donnespersonnelles.rdvconso.org. Voilà, c'est un peu long, mais là encore, vous trouverez les références sur le site de Que Choisir ou bien simplement en achetant, bien sûr, le mensuel Que Choisir de l'Union fédérale des consommateurs. Voilà, on va terminer par quelques nouvelles brèves parce que je vois que l'heure tourne. Lactalis. Alors que dans le dossier Lactalis UFC Que Choisir a déposé plainte pour tromperie en décembre 2017, un juge d'instruction a enfin été désigné en septembre dernier. Le pôle santé publique du parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre X pour tromperie sur les qualités substantielles des marchandises, blessure involontaire et une exécution de procédure de retrait de rappel d'un produit préjudiciable à la santé. L'association s'est constituée partie civile. Voilà le feuilleton Lactalis qui continue depuis 2017. On s'aperçoit quand même de la lenteur des procédures. Les cabines de bronzage. À quand l'interdiction du soleil artificiel? Après l'appel lancé par l'UFC Que Choisir, Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a rendu début octobre un avis recommandant de nouveau la fermeture des cabines de bronzage, compte tenu des risques avérés du cancer de la peau. Le ministère de la Santé reste pour l'instant silencieux. Voilà. La surtransposition. Après les lois de simplification, alibi pour revenir sur plusieurs dispositions législatives, le gouvernement crée le projet de loi de surtransposition destiné à supprimer des normes nationales allant au-delà des textes européens. Problème. L'objectif est d'abolir de nombreuses avancées consuméristes françaises, notamment en matière de crédit à la consommation ou d'environnement. L'UFC Que Choisir entend se battre pour le maintien des dispositions protégeant les consommateurs et l'environnement. En gros, si un pays comme la France prend des lois qui sont plus protectrices que les lois européennes, on essaye de voter au niveau français une loi pour ramener les normes au ras des pâquerettes. Voilà en gros le problème. Bon, je crois qu'il est temps de nous quitter. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Bonsoir à toutes et à tous.